Ils veulent que je commence à faire lentement. Un exposé philosophique de la doctrine cosmique de la sixième race. Pour des raisons que je ne comprends pas encore. Un exposé philosophique de la doctrine de la sixième race, c'est réellement un exposé psychologique de la philosophie de l'homme de demain. La raison pour l'exposé est plutôt préparatoire que d'autres choses. L'exposé n'a aucune valeur psychologique et il n'a aussi aucune valeur philosophique. Mais ils appellent ça un exposé philosophique de la doctrine. Qu'est-ce que j'ai dit? La doctrine cosmique de la sixième race. Pour commencer à forcer l'esprit de l'homme à sortir des valeurs morales de la cinquième race et aussi pour le forcer à désintégrer le noyau psychologique de la valeur dont il donne à la vie pour le préparer au cours des années à se désengager psychologiquement d'une façon parfaite de toutes les modalités de pensée, de toutes les modalités de valeur de vie qui rattachent l'homme à son corps astral. L'homme doit être détaché de son corps astral. L'homme se détache de son corps astral par vibration, il ne se détache pas de son corps astral par désir spirituel ou par désir philosophique. Le détachement de l'homme de son corps astral, c'est purement vibratoire. Et ça se fait lorsque la vie de l'homme de la cinquième race, ou la vie de l'homme, ne peut plus tenir, ne peut plus être enracinée, ne peut plus être donnée de valeur, dans l'expérience actuelle. Lorsque l'homme avance dans la conscience supramentale, lorsque l'homme s'engage dans la voie de la lumière, lorsque l'homme se dégage des énergies astro qui le lient à la Terre, il commence automatiquement à entrer dans un champ d'énergie intérieure qui se développe en lui, qui restructure intérieurement sa conscience et qui change totalement ses avis face à la vie. Et quand je dis ses avis, je dis que l'homme perd petit à petit le contact naturel, astral, de sa conscience normale avec la planète Terre. De sorte que plus l'homme avance dans cette conscience très précise qui est la conscience supramentale, l'homme perd le goût de vivre. Et la perte du goût de vivre est remplacée par la capacité de vivre parfaitement. Et il y a une très grande différence entre les deux. La capacité de vivre parfaitement, c'est une capacité de vivre sans goût de vie. Et la capacité de vivre avec goût de vie, c'est une capacité de vivre imparfaitement, c'est une capacité de vivre astralement, c'est une capacité de vivre qui est alimentée constamment par le corps de désir, et ainsi de suite, par tout ce que l'homme considère comme important dans la vie. L'homme de la sixième race ne peut pas vivre deux vies à la fois. Il ne peut pas vivre la vie de la cinquième race et vivre la vie de la sixième race. Il ne peut pas se contenter des menus plaisirs de la cinquième race et entrer dans l'impondérable, indéfini, de la cinquième race et pénétrer dans l'autre vie mentale. C'est une impossibilité vibratoire. Ce sont deux plans de vibration totalement séparés. Un qui est affecté par les planètes, un qui est totalement libre des influences planétaires. Un qui est affecté par la nature humaine, animale de l'homme, l'autre qui est totalement désaffecté de la nature animale de l'homme. Une qui est émotive dans son rendement proportionnel à l'énergie du mental, l'autre qui est totalement libre de toute forme quelconque d'astralité. Une qui est plaisante, une dans laquelle il y a du plaisir, une dans laquelle l'ego se retrouve, et l'autre dans laquelle il n'y a aucun plaisir et au cours de laquelle l'ego se perd. Dans la vaste masse d'énergie du corps moronciel qui se développe et dans la puissante vibration du supramental qui englobe de plus en plus l'ego et qui éventuellement couvre suffisamment sa vue astrale pour l'empêcher de retourner dans le passé, pour l'empêcher de vivre de sa mémoire, pour l'empêcher de vivre comme il vivait durant la période post-atlantéenne. Les directives de vie de la sixième race sont des directives de vie qui proviennent de la conscience même de l'individu et qui ne proviennent pas et qui ne pourront jamais provenir de la conscience extérieure à ces individus. Et ce qui unit ces individus dans cette conscience parfaite, c'est l'énergie de l'âme qu'ils possèdent et qui puissent, avec le temps, transformer suffisamment le corps mental pour l'éveiller à lui-même d'une façon radicalement nouvelle, qu'on appelle le supramental. Le supramental n'a pour l'homme aucune affinité. Le mental a pour l'homme d'affinité, l'astral a pour l'homme d'affinité, l'éthérique a pour l'homme d'affinité. Le supramental n'a pour l'homme aucune affinité parce que le supramental n'appartient pas à l'ego. La conscience supramentale, et ça c'est probablement une des premières expériences sur le plan de la valeur de vie que l'homme devrait découvrir au cours des générations qui viennent, c'est que la conscience supramentale n'appartient pas à l'ego. Elle appartient à l'esprit de l'ego. Et autant la conscience dans le passé de l'humanité a appartenu à l'ego pour son évolution émotionnelle ou mentale inférieure, autant dans la nouvelle génération des hommes, la conscience n'appartiendra pas à l'ego. Et l'ego n'étant pas habitué à ne pas contrôler sa conscience, n'étant pas habitué à ne pas appartenir à lui-même, sent automatiquement la valeur de la vie glisser par ses doigts. La valeur de la vie est lentement arrachée à sa conscience astrale. La valeur de la vie est lentement transformée au niveau de sa mentation inférieure. De sorte que l'ego, avec les années de transmutation, l'ego perd automatiquement la joie de vivre pour entrer dans la vie. Puis la vie, c'est totalement impersonnel. Alors, le passage de ce plan de vie à un autre plan de vie n'est pas facile pour l'ego parce qu'il nécessite que ce dernier reconquérisse des aspects de lui-même dont il ne connaît pas la réalité. Des aspects qui ont été perdus au cours de l'évolution, qui sont demeurés latents en lui, ce que l'homme appelle des pouvoirs, mais dont il a perdu la capacité de reconquérir parce qu'il a perdu la capacité de voir juste, étant emprisonné dans sa conscience astrale et aussi étant lié par des formes pensées dont la nature, pendant des siècles, ont servi à lui donner ou à lui créer une infrastructure qui était totalement égocentrique. De sorte que l'ego qui entre dans cette conscience raciale nouvelle ne peut plus dire qu'il s'appartient à lui-même. Il ne peut plus dire qu'il fait ce qu'il veut. Il ne peut plus dire qu'il fait ce qu'il désire. Mais il peut dire qu'il fait ce dont il a la volonté de faire. La doctrine cosmique du mental supérieur de l'homme est une doctrine, parce qu'on en parle, mais elle n'est pas une doctrine lorsqu'on la vit. Lorsqu'on parle d'un fait, le fait devient automatiquement doctrinaire, parce qu'on en parle. On se sert de mots pour en expliquer certains aspects. Mais lorsqu'on le vit, ce fait-là n'est plus doctrinaire, il fait partie de la vie. Mais on doit en parler pour créer dans l'ego une sorte de tension, une sorte d'inquiétude, une sorte de crainte, une sorte d'angoisse, afin de forcer l'ego à renier vibratoirement, non pas psychologiquement, mais vibratoirement, ce dont il considère le plus important dans la vie. Je n'ai pas le droit. Parce que l'ego de l'homme de la sixième race ne pourra pas instituer sur le plan matériel quoi que ce soit pour le bénéfice de l'homme de la sixième race. Parce que l'ego de l'homme de la sixième race instituera sur le plan de l'éther pour le bénéfice de la sixième race. Et tout ce que l'ego fera au cours des dernières années de la cinquième race servira simplement à l'isoler de la cinquième race. L'ego qui va vers la sixième race, lorsqu'il prend conscience intérieurement de lui-même, s'enfonce de plus en plus dans la forêt d'isolation. Il s'enfonce de plus en plus graduellement, suivant son plan de vie, dans un mouvement irréconciliable avec la cinquième race. De sorte qu'il s'enfonce irrémédiablement dans une sorte d'enceinte. Son seul ami, c'est le calme. Le calme total. Mais l'homme n'est pas capable de vivre dans le calme total. Il y a des gens qui ont des camps dans le nord, puis ils vont se mettre près d'un lac. Je ne fais pas référence à ça. Mais j'explique. Quand les gens parlent d'aller dans le calme, puis aller dans la forêt, puis aller dans le nord, ils vont, puis le lundi matin, ils retournent en ville. L'homme n'est pas équipé pour vivre dans le calme total. Parce que pour vivre dans le calme total, faut que la conscience astrale soit totalement morte. Sans ça, on aura trop, l'homme a trop de tension. Mais l'ego qui s'en va vers la sixième race sera obligé, par le mouvement de sa propre énergie intérieure au cours des années, à chercher le calme total. Et la recherche de ce calme-là sera sa victoire sur la sainte race. Lorsque l'ego, seulement l'ego individuel, le sait, ça change pour chaque individu. Pour un ego, c'est telle chose, pour un ego, c'est telle chose. Alors, chaque ego connaît son calme total. Pour un ego, ça peut être très bien être à New York, son calme total. Pour un autre ego, ça peut être bien loin dans le nord. Mais chaque ego connaît son calme total et chaque ego devra découvrir son calme total parce que le calme total est le dernier allié de l'ego sur le plan matériel. Et tant que l'ego ne pourra pas vivre sur le plan matériel, dans la matière, dans le corps physique, avec cet allié qui est le calme total, d'une façon permanente, l'ego sera encore en gestation astrale. L'ego sera encore, aura encore un pied dans la cinquième race. Lorsque l'ego pourra vivre avec le seul allié qui lui restera, qui est le calme total, à ce moment-là, l'ego sera prêt de l'énergie de son âme. Et lorsque le cycle entrera en jeu, parce que le cycle n'est pas en jeu encore, le cycle est commencé, mais il n'est pas en jeu. Lorsque le cycle entrera en jeu, l'ego aura les moyens appropriés pour l'avertir du temps où il devra passer d'un temps d'énergie à un autre. De sorte que l'ego ne sera pas pris par surprise, mais il sera pris dans la surprise générale. Il ne sera pas pris par surprise. Il le sera. Mais il sera pris dans la surprise planétaire, dans la surprise mondiale, dans la surprise générale de toutes les masses humaines. La doctrine de la, sixième race est une doctrine perverse, dans ce sens qu'elle détruit tout ce qui a servi à l'homme auparavant. Elle annihile tout ce qui a servi à l'ego auparavant. Et elle confronte l'ego avec le néant de lui-même, qui est son esprit. Parce que le néant de l'ego, c'est son esprit. L'ego n'est pas néant parce que l'ego a une conscience astrale. L'ego vit émotivement. Mais lorsque l'ego ne vit plus émotivement, lorsque l'ego est suffisamment transmuté pour vivre dans son esprit, il vit et il connaît le néant de lui-même. Et le néant de l'ego, c'est la qualité même de l'énergie de l'âme dans le troisième œil de l'âme. Les gens se demandent qu'est-ce que c'est l'affaire du troisième œil, les hindous en parlent, ainsi de suite. C'est très simple. Le troisième œil, la manifestation du troisième œil, la conquête de l'énergie par le biais du troisième œil, se fait par le biais de l'anéantissement de l'ego. De sorte que lorsque l'ego est transmuté en esprit, qu'il est devenu néant de lui-même, le troisième œil devient automatiquement actif. Y a-tu des lunettes, hein? Tu l'as dans tes mains. Ah oui. Lorsque l'homme commence à conquérir les domaines intérieurs de lui-même, il commence à perdre conscience. Et la raison pour laquelle il perd conscience, c'est parce que sa conscience naturelle n'est pas une conscience normale. Elle est une conscience calculée sur la fréquence vibratoire de ses sens en relation avec le matériel qu'il manipule tous les jours. Mais lorsque l'homme entre dans la conscience cosmique, dans la conscience du supramental, lorsque l'homme entre dans l'esprit de lui-même et qu'il commence à interpréter vibratoirement les pulsations de l'âme en lui, son ego ne lui sert plus parce que son ego est incapable de justifier les raisons derrière les vibrations qui émanent de l'âme. L'ego est incapable de justifier les vibrations de l'âme et les raisons derrière ces vibrations-là. Et c'est pour ça que le mouvement de la cinquième à la sixième race est si long, il est si difficile et si truqué. C'est parce que l'ego ne peut pas interpréter les vibrations de l'âme. Seul l'esprit de l'homme peut le faire pour les interpréter, ces vibrations de l'âme-là. Et l'homme ne peut pas vivre dans le corridor du temps et ne pas pouvoir en même temps interpréter les vibrations de l'âme comme si c'était des messages précis, adressé à son intellect. L'homme de la sixième race doit être capable de se suffire à lui-même parfaitement en ne rien interprétant de son passif mémorifique subjectif humain qu'il connaissait durant la cinquième race. L'homme doit être capable de vivre simplement de vibrations et ne jamais vivre de pensée. L'homme doit être capable de simultanément créer un pont entre les conditions de mouvement établies par l'âme, interprétées par son esprit, et ajuster ça aux activités ou aux structures de vie de la cinquième race. Pour qu'il puisse fonctionner avant de passer dans l'éther d'une façon anonyme. L'intérêt de l'esprit de l'homme qui a été transmuté, qui est le résultat de la transmutation de l'ego, l'intérêt de l'esprit de l'homme, c'est un intérêt qui n'est pas humain. C'est un intérêt qui n'appartient pas à l'ego et c'est un intérêt qui ne se connaît pas par lui-même. C'est un intérêt qui se découvre au fur et à mesure que les forces de vie entrent dans l'homme et lui donnent le pouvoir de son siège, qui est le siège de sa tribu et qui est le lien entre lui-même dans les terres avec ceux qui sont les représentants sur la terre éthérique des forces de lumière, des forces de hiérarchie. De sorte que l'ego qui se conscientise doit un jour en arriver par vertu de sa transmutation à ne plus pouvoir s'occuper de lui-même, à ne plus pouvoir s'intéresser à lui-même, à ne plus pouvoir s'intéresser à ce qui l'intéresse, à ne plus pouvoir s'attacher à ce qui l'intéresse, à ne plus pouvoir fonctionner psychologiquement en relation avec une valeur de vie qui est déterminée par sa conscience astrale, qui est aussi liée à sa conscience animale. La conscience, l'intelligence de l'esprit de l'homme, qui est la conscience cosmique, l'intelligence de l'esprit de l'homme est suffisamment puissante, suffisamment parfaite, suffisamment intégrée lorsque l'ego est suffisamment détaché. Si l'ego n'est pas suffisamment détaché, cette intelligence-là n'est pas parfaitement intégrée et c'est pour ça que les gens souffrent ou c'est pour ça que les gens font des erreurs. Ou c'est pour ça que les gens ont des choses à apprendre au cours de la transmutation, de la transformation du corps mental inférieur vers le corps mental supérieur. Parce que l'homme ne sait pas ce qu'est l'intelligence. L'homme ne vit pas d'intelligence, il vit d'intellect et de mémoire. Mais les piliers de la doctrine occulte de la sixième race sont enfouis tellement profond dans l'inconscience astrale de l'homme que lorsqu'ils sont vécus, lorsqu'ils sont expérimentés, lorsqu'ils sont conscientisés dans la conscience qui se développe, la conscience supramentale de l'homme, automatiquement l'ego perd le nord. Il perd le nord parce qu'il cherche le nord. Et l'ego, à un certain moment, lorsqu'il est suffisamment fort dans son orientation intérieure, peut facilement perdre le nord, sachant toujours qu'il ne perd pas le nord, mais qu'il découvre un nord qui n'est pas le nord qu'il connaissait auparavant. Au stage, où vous êtes là, vous devriez être capable, certains parmi vous, de sentir fortement que vous êtes dans deux vies. Qu'il y en a une qui perd de plus en plus de sa valeur, puis qu'il y en a une autre dont vous ne connaissez pas la profondeur, mais dont vous sentez la réalité. C'est à peu près le stage. Et plus vous allez avancer dans les années, plus vous allez vivre ceci d'une façon intense, et plus vous allez être obligé éventuellement de vous dissocier totalement de ce qui est astral dans l'autre vie pour embarquer dans l'autre vie les deux pieds au lieu d'un pied d'une façon totalement mentale. C'est à partir de ce moment-là, parce que ce sont les tensions qui vont vous amener à l'autre. Ce sont les tensions, le combat, l'inharmonie de l'une vers l'harmonie de l'autre que vous allez sentir, que vous allez réaliser de plus en plus, qui va vous forcer à changer et à mettre vos deux pieds dans une. Au lieu d'avoir un pied dans une et l'autre pied qui commence à tâter l'autre. Parce que contrairement à la mystique philosophique qui nous a été donnée de l'Orient, qui a servi pour la spiritualisation de l'homme, La formation de la sixième race de l'homme, c'est une formation qui est dirigée. C'est une éducation constante, consciente et précise. C'est une formation personnelle, c'est une formation prépersonnelle, et c'est un engagement personnel et prépersonnel. Et éventuellement, ça devient un lien totalement occulte et éthérique. Ce n'est pas un mode de vie ou une philosophie de vie. C'est réellement un engagement vibratoire que chaque individu vit selon son rapport vibratoire avec sa propre lumière et sa propre énergie. C'est pour ça que les conférences ou les rencontres que je fais avec vous autres, je dois les faire pour un certain temps pour vous habituer en esprit à reconnaître ce que vous êtes en esprit. Parce que vous ne pouvez pas vous reconnaître ce que vous êtes en esprit sans passer par un esprit qui se reconnaît, qui se connaît en esprit, parce que votre esprit est trop astralisé. Ah, c'est comme, il faut nettoyer un peu la maison avec un balai, puis ensuite vous pourrez reconnaître vos propres formes à l'intérieur de votre propre maison. Mais d'ici à ce temps-là, 84 que j'ai situé, vous ne pouvez pas les reconnaître parce que déjà, votre conscience astrale est suffisamment puissante pour empêcher que les vibrations intérieures de l'âme s'enregistrent dans votre esprit d'une façon permanente. Mais en 84, quand moi je vais lâcher, vous autres, vous allez être prêts, puis vous allez être seuls. Moi, je vous prépare à être seul. Vous ne serez jamais seul, mais vous serez seul. Vous ne serez jamais seul parce que vous connaîtrez des gens qui sont dans la même vibration que vous autres, mais vous serez seul parce que cet acheminement-là qui se fait dans le monde entier se fait individuellement. Et à un certain moment de cette évolution, de cette transformation, il y aura des gens qui seront à cause de leur vibration, qui deviendront à cause de leur vibration, des points de référence pour les autres. Parce qu'il y en aura toujours qui auront besoin des points de référence. Parce qu'il y en aura toujours d'autres qui auront besoin de savoir la même chose qu'eux autres savent, mais qui ne peuvent pas découvrir parce qu'eux autres aussi seront trop abîmés par la conscience astrale. De sorte que l'homme, le passage de la cinquième à la sixième race de l'homme, c'est un passage solitaire, c'est un mouvement solitaire, c'est un mouvement qui est occulte, c'est un mouvement qui est incompréhensible de l'homme, c'est un mouvement qui est sensible, c'est un mouvement que certains peuvent percevoir, c'est un mouvement que certains peuvent rechercher spirituellement, c'est un mouvement que beaucoup et tous devront dépasser spirituellement parce que tu ne peux pas rentrer spirituellement là-dedans. Tu t'arrêtes quelque part. Ou tu passes complètement dans le mental pur de cette expérience-là. Il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Et c'est là que se fait la scission, la division entre l'orientalisme et l'instruction mondiale qui sert simplement à créer dans l'esprit de l'homme une pulsion suffisamment précise, suffisamment à l'échelle de la pensée et du cœur de l'homme pour éveiller en lui son propre kundalini. Parce que le kundalini de l'homme doit être éveillé, mais doit être éveillé par en haut et non par en bas. Et le kundalini de l'homme sera éveillé par les mots, sera éveillé à l'intérieur de son propre miroir. L'homme éveillera son propre kundalini parce que l'homme sera prêt à un certain moment à vivre en lui-même les forces, le tremblement interne qui sera mis en action par l'énergie de l'âme, par le biais des mots qui auront été mis en place pendant la période de préparation. La doctrine de la sixième race de l'homme, ce n'est pas une doctrine publique. Ce n'est pas une doctrine qui s'écrit. C'est une doctrine qui se parle parce qu'elle s'explique bien et parce qu'elle explique tout et parce qu'elle engendre bien et qu'elle engendre tout. Elle est en elle-même cette doctrine parfaite. Elle est inchangeable. Elle est inaltérable parce qu'elle n'appartient pas à l'homme. Et comme elle n'appartient pas à l'homme, elle n'est pas doctrinaire. Mais elle est doctrine parce qu'elle renferme en elle-même les germes de la pulsion, de la conscience cosmique mondiale planétaire de l'avenir, que l'homme connaîtra individuellement dans ses rapports personnels avec l'énergie de l'âme et aussi dans ses rapports personnels avec ceux qui seront dans les terres de la planète et qui entreront éventuellement en contact avec les scientifiques d'un autre âge que vous autres vous appelez les extraterrestres. Mais ce qui différencie l'homme de la quatrième race qui passe à la cinquième race, de l'homme de la cinquième race qui passe à la sixième race, c'est le temps de la destruction de l'égrégore mondial. Quand les Atlantes, les initiés Atlantes, ont amené avec eux un certain nombre de personnes pour transposer dans une autre partie du globe les sciences occultes de l'Atlantide, l'égrégore mondial, déjà, bien qu'il était localisé dans certaines régions du globe, était suffisamment dense. Aujourd'hui, l'égrégore mondial est extraordinairement dense. Alors, l'homme de la quatrième à la cinquième race a vécu la continuité de l'égrégore. De sorte que la conscience astrale de l'homme, qui est passé de la quatrième à la cinquième race, et jusqu'au sous-race, jusqu'à aujourd'hui, cette conscience a toujours été diminuée dans son potentiel vibratoire parce que déjà l'homme perdait contact avec l'âme. Et même dans les cercles ésotériques, dans les cercles occultes, dans les conversations occultes ou ésotériques, avec les clans de l'ego astralisés dans une lumière qui était ambiante à la planète Terre, l'homme avait le pouvoir de contacter ce qui lui-même était déjà. Mais l'homme n'a jamais eu le pouvoir de contacter la hiérarchie. L'homme n'a jamais eu le pouvoir de savoir. L'homme n'a jamais eu le pouvoir de maîtrise. L'homme n'a jamais eu le pouvoir d'être maître. L'homme a toujours été dans une soumission quelconque à un ordre quelconque, bien que ce fût un ordre, dans beaucoup de cas, un ordre fraternel. Sodome et Gomorre, Moïse, Jéhovah, les Israélites, toutes les données de l'homme ancien ont toujours été en relation avec une soumission quelconque venant d'une autre planète, excepté dans le cas du Nazarien. Le Nazarien était le seul homme sur la Terre qui était dans aucune soumission à aucun ordre planétaire venu d'ailleurs pour faire germer sur la planète Terre une doctrine quelconque. C'est pourquoi les efforts de certaines personnes, comme Raël, par exemple, ou certaines intelligences qui viennent d'ailleurs, qui contactent des êtres humains comme Raël, les efforts de diminuer la personnalité historique du Nazaréen en faisant accroire au monde que le Nazaréen était réellement un des leurs, que le Nazaréen réellement tirait ses pouvoirs de leur contact avec des vaisseaux qui étaient dans l'invisible, est une erreur fondamentale dans les archives du temps de l'homme et est un affront extraordinaire à l'humanité. Parce que en diminuant la personnalité historique du Nazaréen, dont la contrepartie cosmique était totalement au-delà de leur conscience à ces hommes-là, ça enlevait dans la conscience astrale de l'homme le pouvoir interne de la conviction parfaite du savoir de l'homme, dont Raël est un exemple et dont les gens qui suivent Raël de très près sont des exemples. L'homme est un être construit physiquement d'une façon parfaite, construit vitalement d'une façon très évoluée, d'une façon astrale très évoluée, d'une façon mentale très évoluée, et d'une façon supramentale très évoluée, lorsqu'il le devient. De sorte que l'homme est un maître. L'homme doit être un maître. Mais pour que l'homme soit un maître, il est obligé de renier tout ce qu'il a su, tout ce qu'il a appris des hommes. Parce qu'un homme qui ne peut pas renier ce qu'il a appris des hommes, est obligé d'accepter ce qu'il a appris des hommes. Et si on accepte ce que l'on a appris des hommes, que ce soit sur le plan matériel ou dans l'astral, si on accepte ce que l'on a appris des hommes, on devient automatiquement fourchu dans notre intelligence. De sorte qu'une partie de notre intelligence qui appartient au passé et une autre partie de notre intelligence qui appartient à ses âmes. L'homme de la sixième race ne peut pas vivre avec une intelligence fourchue. L'homme de la sixième race doit avoir une intelligence parfaite. Doit avoir une intelligence qui n'est fondée sur absolument rien. Et quand je dis avoir une intelligence qui est fondée sur absolument rien, ça va vous prendre encore quelques années pour le comprendre. Parce que je vous parle toujours pour demain. Et quand je dis que l'homme doit avoir une intelligence qui est fondée sur absolument rien, je vous explique dans des mots le moyen même qui est le support énergétique, le support vibratoire du transport de l'homme dans le temps. Parce que le support vibratoire du transport de l'homme dans le temps, c'est sa capacité d'être totalement, pour employer l'expression anglaise, mindless. Man must be mindless. And so long as man has a mind, he is not in the root race. He's in the fifth subrace. Un homme conscient, un homme supramental ne doit avoir aucun esprit égocentrique. Ne doit avoir aucun attachement mémorifique à la connaissance. Ne doit avoir aucun lien avec le passé. Ne doit avoir aucun lien avec les mémoires du passé. Ne doit avoir aucun lien avec l'occulte du passé. Il y en a qui vont dire, bon, l'occulte, l'ésotérisme, c'est ça qui nous a amené à... C'était des moyens pour sensibiliser vos esprits égocentriques à une dimension spirituelle de votre conscience interne, enfouie dans la matière même de votre astral, mais inconsciente d'elle-même, et incapable par elle-même d'aller chercher en elle-même le fruit de son pouvoir sur l'intelligence planétaire. Les quelques-uns parmi vous autres ou parmi d'autres qui ont eu cette sensibilité, cette capacité de transcender un peu, de se libérer un peu, d'autonomiser un peu leur capacité d'influence ou d'être influencé par la conscience ou le savoir de l'éternel, lui en est un. Puis ceux que je nomme le savent. Croto, c'en est un autre. Puis il n'y en a pas beaucoup dans toutes les gens que je connais. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que le savoir de l'homme, c'est une perfection, c'est un perfectionnement qui est directement lié à l'évolution de l'âme de l'homme et qui est directement parvenu à une fruition totale lorsque l'homme est devenu déchéant, c'est-à-dire lorsque l'homme a renversé la polarité de la magie fonctionnelle sur la planète Terre dans le passé de son expérience. Ceux qui ont combattu dans le passé les forces négatives, les forces de la magie noire au cours de l'expérience de l'homme, et qui ont eu des liens, qui ont vécu des combats, si vous voulez, sont ces gens qui ont rapporté avec eux autres dans cette vie-ci un peu de cette vibration intérieure qui faisait partie de l'évolution de l'âme et qui aussi était supporté par la domination instantanée du contrat cosmique qui lie chaque âme ou chaque ego qui s'incarne avec sa planète d'origine. Un homme ne peut jamais être dans le savoir, même intuitif, sans un support quelconque avec sa planète d'origine. Mais le contact d'un homme avec sa planète d'origine, c'est pas suffisant pour l'homme. Parce qu'un homme qui est en contact avec sa planète d'origine, tout ce qu'il va connaître au niveau de son expérience humaine égocentrique, c'est une particularité de caractère et de tempérament. Suffisamment forte pour lui faire réaliser qu'il n'est pas comme le reste des hommes, mais pas suffisamment puissante pour le détacher du reste des hommes. Ah, l'homme a besoin à un certain moment de son évolution dans son temps planétaire, après incarnation. L'homme a besoin d'une autre force. Il a besoin d'une autre vibration. Il a besoin d'une autre capacité. Il a besoin d'un nouveau traitement vibratoire. Et le traitement vibratoire lui vient lorsqu'il est suffisamment en harmonie avec celui dont il ne connaît pas le nom pour pouvoir entrer dans le même corridor de temps qui constitue le fluide même de la conscience cosmique par les hommes cosmiques sur une planète cosmique, mais invisible à l'homme. C'est pour ça que je dis au monde, quand je dis au monde, que les gens ne doivent pas croire, que les gens ne doivent pas me croire. Les gens n'ont pas besoin de me croire pour me comprendre. Mais les gens qui me comprennent, me comprennent. Puis ce sont les gens qui me comprennent, qui ont de la valeur dans la conscience universelle sur la Terre. Ce sont les gens qui me comprennent, qui ont de la valeur dans la conscience universelle sur la Terre, parce que ce sont ces gens-là qui font partie de la conscience universelle sur la Terre. Et c'est seulement lorsqu'on fait partie de quelque chose qu'on est dans ce quelque chose. Et si on n'est pas, on fait pas partie de ce quelque chose-là parce que c'est pas le temps cyclique, à ce moment-là, ce quelque chose-là, à un certain moment donné, devient tellement abstrait à notre conscience qu'on ne peut plus le suivre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne peut plus se suivre. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne peut plus se comprendre parfaitement. De sorte que l'équation de l'homme planétaire de la cinquième race, avec l'homme cosmique de la sixième race, l'équation, c'est le passage à niveau qui doit être vécu lors de l'expérience entre lui-même et le fond de lui-même. Pas entre lui-même et moi. Moi, je suis pas important. Mais ce qui est important, c'est lui-même et le fond de lui-même. C'est pour ça que ceux qui font partie de la sixième race le seront par eux-mêmes parfaitement et non par moi. Parce que ces hommes-là ne sont pas des hommes, ce sont des surhommes. Et la qualité même d'un surhomme, c'est d'être capable d'engendrer en lui-même suffisamment d'intelligence pour détruire en lui-même toute forme d'intelligence qui nuit à son intelligence. Et un homme qui n'est pas capable de détruire en lui-même toute forme d'intelligence qui nuit à son intelligence, c'est un homme qui n'est pas capable d'entrer en lui-même et de confronter avec lui-même les pouvoirs de lui-même. Exact. Au cours de nos rapports, au cours des temps qu'on passe, s'engendre dans l'homme la conscience de l'illusion de la pensée subjective. S'engendre dans l'homme la conscience d'un contact. S'engendre dans l'homme la conscience de l'illusion de la perfection du contact. S'engendre dans l'homme la perfection de l'illusion du contact. S'engendre dans l'homme l'imperfection de la perfection du contact. S'engendre dans l'homme la perfection du savoir parfait du contact. S'engendre dans l'homme la perfection du savoir parfait du contact et s'engendre dans l'homme la perfection du savoir parfait du non-savoir. S'engendre dans l'homme la perfection, s'engendre dans l'homme le transfert. L'échelle de l'évolution de l'homme de la cinquième race vers la sixième race se fait ici. Mais si l'homme, dans son expérience, n'est pas capable de découvrir en lui-même les illusions de la forme de l'intelligence pendant qu'il est en mouvement vers cette intelligence est incapable éventuellement de détruire en lui-même la nature même de l'intelligence qui est en lui-même. Et l'homme doit détruire en lui-même la nature même de l'intelligence qui est en lui-même. Parce que tant que l'homme a de l'intelligence en lui-même, l'homme n'est pas dans l'homme. L'homme n'est pas dans l'homme. L'homme est dans l'animal de l'homme. L'homme est dans l'homme seulement lorsque l'homme n'a plus d'ordre à recevoir de personne. L'homme est dans l'homme lorsque l'homme n'a plus entendre rien de nulle part. L'homme est dans l'homme lorsqu'il n'a plus à recevoir d'indices de nulle part. L'homme est dans l'homme lorsqu'il est dans la vibration de lui-même. L'homme est dans l'homme lorsqu'il est parfaitement en harmonie avec lui-même. C'est-à-dire que l'homme est dans l'homme lorsque ses émotions ne font plus interférence avec son mental supérieur. À ce moment-là, l'homme est intelligent. Il n'est plus dans l'intelligence. Et lorsque l'homme n'est plus dans l'intelligence, il est intelligent. Et lorsqu'il est intelligent, à ce moment-là, son âme devient le support parfait de toute transmutation avec n'importe quel ordre d'énergie, de sorte que l'homme devient un magicien.